éclipser tes sourires. Souvenirs enlacés à l'anguille, mes caresses lovées à l'esprit. Émasculer mon âme qui noyait dans ses regrets, refuse de perdre la flamme, s'interdit d'asphyxier. Son heure, l'ennui s'est installé, mais à compter les heures, on finit par se manquer. Rêvé au moment d'égarement, puiser dans nos cœurs les sentiments. Le cliché d'un baiser, même pris à contre-jour, n'appartient pas qu'au passé, puisqu'on s'aimera toujours. Cet instant se lasse, nous perdons quatre vents, mais jamais ne s'efface. Mais mes faits d'une errance où je n'ai pas trouvé ma place. Les discours du silence, jamais ne te remplace. Continuer l'aventure.